Tu ne convoiteras point l'époux de ta voisine. Si réponse il y a, c'est pour ce soir. Attendre encore et toujours. C'est vraiment pénible à 20 ans quand on est pressé de croquer la vie à pleines dents. C'est dur aussi d'être seul, d'avoir tout loisir de s'ennuyer, de réfléchir sans les moyens de se distraire. Faustine doit bien admettre en son fort intérieur qu'elle craint un peu les jours à venir. La perspective de passer Noël seule n'est pas des plus agréables. Or, elle n'a pas eu la présence d'esprit de prévoir quelque activité, trop habituée jusqu'ici à compter sur les autres, ses parents, un homme ou la chance. Tout cela indépendamment du fait que depuis qu'elle en est l'heureuse propriétaire, sa voiture lui pompe une bonne partie de son revenu. Restons pragmatiques. Rentrée très tôt ce samedi matin de sa virée au pied bleu, elle a dormi jusqu'à 14 heures. Quelques croissants, une thermos de café et un bon bouquin lui ont permis d'oublier l'heure jusqu'à la fin de l'après-midi. Passer nourrir les chats, nettoyer l'atelier, l'ont amenée en début de soirée. Elle se réchauffe 3 nouilles avant de passer aux choses sérieuses. Comme hier soir, valse détenue et longs travaux de replâtrage. On finit de remplir le sablier. Il est presque 22 heures quand Faustine prend la route, vêtue comme la veille à un foulard près, sous un ciel légèrement plus clément. Et c'est reparti pour un tour. Cette fois, pas de blonde à l'entrée, juste une gamine d'à peu près son âge qui se présente comme Nathalie, la fille du pianiste. Pascal, son chevalier collant d'hier soir, a manifestement oublié de venir. Ouf ! Faustine s'installe à sa place habituelle, allume une cigarette. Cette fois, le meneur ne la quitte pas des yeux. Sans aucune pudeur, il joue de toute son âme. Et franchement, il est magnifique dans son enthousiasme. Quelle énergie ! Tout son être rit. Il distribue des clins d'œil à tout moment, bat la mesure et vit littéralement sa musique. De son côté, Faustine commence à repérer les manières de jouer du groupe. Le chef donne la mesure et le nom du morceau. Rare monte assez fort pour qu'elle l'entende. Puis tout le monde commence le thème ensemble. Ensuite, chacun à son tour improvise. Faustine est bien incapable de dire si c'est juste ou pas, elle n'y comprend pas grand-chose. Mais ce qu'elle apprécie le plus, c'est le plaisir évident que les musiciens manifestent. Ils ont tellement l'air de s'amuser, de faire quelque chose qui leur plaît, à eux, et d'abord à eux, que c'en est contagieux. Caravane. Faustine a réussi à surprendre le nom du morceau. Elle ne l'oubliera pas. Un 33 tours de Duke Ellington sera le premier disque de sa collection. Le batteur est extraordinaire. Il mouille littéralement sa chemise. Faustine est aux anges, c'est la plus belle mélodie qu'elle ait jamais entendue. À la fin du morceau, le chef présente son groupe. Claude, le pianiste, Jean, le contrebassiste, Charles, le batteur, et enfin Roger, le trombone, qui désigne le clarinettiste, et clame « Maxime Manoukian !» 2 heures du matin. Le pied bleu s'est vidé. Faustine, qui a attendu Maxime dehors, comme il le lui a discrètement demandé pendant la pause, fait quelques pas à ses côtés. Très vite, il s'empare de sa main. Encore 3 mètres et c'est leurs lèvres qui se joignent. « Comme il va vite en besogne !» s'étonne Faustine, qui n'a pas osé refuser le baiser de crainte de passer pour une oie blanche. Mais Maxime réalise soudain qu'il est en train de flirter au beau milieu de la rue de son village. Il s'arrête tout net. Faustine propose alors de l'emmener faire un tour dans sa nouvelle auto, toute fière de lui montrer sa dextérité au volant. Près du vieux port de Cagnes, face à la mer, entre frein à main et levier de vitesse, en veine de marivaudage, ils font un peu mieux connaissance. Maxime confesse qu'il est marié, père de 2 petites filles adorables et que sa femme, néanmoins charmante, est d'une jalousie maladive. C'est pour mieux le surveiller qu'elle vient l'aider au pied bleu tous les vendredis soirs. Obligée de rester à la maison le samedi, faute de babysitter. La superbe blonde qui a reçu Faustine hier soir, c'est elle. Pauvre Faustine qui sent une sueur froide lui parcourir l'échine à l'évocation de ce qui aurait pu se passer si elle avait posé sa question style « J'ai des vues sur le chef, il est libre ou pas ?» L'innocente l'a échappé belle, qui ignore encore bien des choses de la vie, surtout la discrétion et la stratégie. Elle n'a même pas remarqué qu'il porte une alliance, alors que n'importe quel godiche l'aurait vérifié en premier. Pour elle, un homme adulte, beaucoup plus âgé, qui lui manifeste un intérêt aussi marqué, ne peut être que libre, non ? Vu la situation, Faustine n'a plus très envie de s'étendre sur son propre parcours. Elle évoque succinctement son travail, ses parents, son frère, puis estimant qu'il est grand temps d'aller se coucher, elle dépose Maxime après un baiser d'adieu. Le dernier en ce qui la concerne. Un peu chamboulée, déçue, désappointée, Faustine reprend la route de Grasse. L'aventure est avortée avant même d'avoir commencé. S'il est une chose qu'elle s'est toujours jurée, c'est de ne jamais voler le mari d'une autre, encore moins de détruire une famille. Il n'y a pas si longtemps, elle a lu « Backstreet » de Fanny Hurst, et ça ne lui a pas donné envie du tout de vivre la même chose. Du tout. Par contre, elle refuse de renoncer à cette musique qu'elle apprécie tant. Après tout, ce n'est pas parce qu'une romance est impossible avec Maxime qu'elle ne peut pas venir écouter la musique qu'elle aime et rencontrer d'autres amis potentiels, maintenant qu'elle connaît l'endroit. Faustine se jure bien de ne jamais laisser quelque chose d'aussi trivial que l'amour interférer entre cette musique divine et elle. Le club sera fermé les 24 et 25 décembre. Le week-end de Noël étant dédié à la famille, comme il se doit, Faustine reviendra le vendredi 31 pour le réveillon auquel elle s'est inscrite. Le mardi suivant, Faustine est du piquet à l'atelier quand le téléphone sonne. C'est Maxime qui souhaite la convier à déjeuner. À l'instar de tous les autres musiciens de l'orchestre, il exerce un vrai métier pour vivre, ingénieur électricien. Son usine est située dans les environs de Saint-Janet, à une soixantaine de kilomètres de Grasse. En l'absence de sa famille, Faustine se sent très seule. Elle accepte un rendez-vous pour le lendemain. Elle retrouvera Maxime dans une auberge, à mi-chemin entre Grasse et Saint-Janet. Mais qu'il ne se fasse pas d'illusions, elle n'entend pas aller au-delà de la simple camaraderie. Maxime comprend et accepte les réticences de Faustine. Il lui explique sobrement que pour lui, ce qui s'est passé l'autre soir est déconcertant. Si la jeune femme est d'accord, il aimerait bien percer le mystère de cette attirance irrépressible. Il n'a encore jamais trompé sa femme et ne se trouvant pas particulièrement séduisant, il est surpris par ce phénomène. Pour lui aussi, c'est la première fois et ce n'est pas anodin. Comme Faustine, il s'est posé des questions. En bon cartésien, il suppose que ce déjeuner leur permettra d'analyser la situation. Mettant les choses à plat, ils se rendront compte sans doute que tout ceci n'était qu'un caprice de leur imagination. Ensuite de quoi, leurs vies reprendront un cours normal, chacun pour soi. Faustine ne peut qu'agréer. Elle sait qu'elle ne risque rien. Chez elle, une sorte d'instinct de survie l'empêche toujours de s'investir affectivement lorsqu'il n'y a pas promesse de retour. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Quand ils se retrouvent dans la charmante auberge de Tourette, devant un délectable rôti de porc aux pruneaux, les nouveaux amis se découvrent quantité d'affinités. D'emblée, ils conversent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Sans aucune gêne, ils comparent leurs goûts et leurs dégoûts, évoquent leurs qualités et leurs défauts, qui correspondent, discoursent sur leurs rêves et leurs envies, leur besoin d'évoluer avec un compagnon aux aspirations similaires. Maxime a 35 ans. Il aime beaucoup son métier qui le fait voyager souvent, mais c'est la musique qui le galvanise. Il a fondé le Pied Bleu 10 ans auparavant. Il y invite des musiciens étrangers, américains le plus souvent, pour un soir, voire plusieurs semaines pendant l'été. Certains jazz bands viennent au complet, depuis Paris, la Suède, la Suisse même. Maxime est actif dans toute la région, répondant à la demande de restaurateurs ou de privés. Ainsi, il anime le Carnaval de Nice et participe également au Festival du Jazz de Cimiez. Faustine l'écoute, impressionnée. À voir sa fougue, la jeune femme en oublie qu'il a 15 ans de plus. Elle se sent ordinaire face à cet homme aventureux, dynamique, qui connaît tant de célébrités. Pourtant, quand elle répond à ses questions, elle réalise à ses réactions qu'elle le fascine tout autant. Faustine est indépendante, libre, au moins dans sa tête, entreprenante et fière. Ce qui rayonne d'elle n'est pas pour déplaire à un homme tel que lui. Hélas, le temps a filé comme l'éclair. Les deux comparses se rendent compte en se quittant qu'ils n'ont pas très envie d'en rester là. Maxime propose qu'ils se revoient une toute dernière fois, toujours en tout bien, tout honneur. Rendez-vous est pris pour cette ultime entrevue le mercredi suivant. Le 1er janvier, il part en vacances à la montagne avec sa petite famille. Loin des tentations, il est convaincu que les choses se tasseront d'elles-mêmes, tout naturellement. Avant de la quitter, Maxime suggère à Faustine d'annuler sa réservation du réveillon au pied bleu. Il invoque le sixième sens de son épouse, craignant de ne pouvoir cacher son attirance pour la jeune femme en sa présence. Faustine accepte, à condition de pouvoir continuer à venir les samedis quand Madame sera absente.